On va parler des Saguenayens de Chicoutimi avec notre ami Sébastien Morin, la voix des Saguenayens, faire le bilan un peu de la semaine chez les Sags. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, les Sags ont joué ils ont joué deux matchs cette semaine, un en fin de semaine, c'était vendredi, et ça a été une défaite de 3-1 contre la Mada de Neuville-Beaubriand. Et German Rutsoff a été présenté à la foule et ça a été une belle accueil. Exactement, Guermand a été présenté. En fait, le match était présenté à ma TV vendredi soir, donc présenté au lieu de 19h30, ça débute à 19h36. Ah oui. Il avait débuté à 19h30, comme c'est le cas dans un match régulier qui n'était pas à la télévision. Lui qui a été à la télé, ça nous a donné 6 minutes de plus parce qu'il est arrivé à 7h30 pile. Okay. Son vol de Québec qui a été retardé un petit peu, son arrivée, passer les douanes. Sortir de la ville de Québec à cette heure-là, c'était pas évident. Le parc était pas très beau. Il est arrivé quelques minutes avant la célébration d'avant-match. On lui a mis le chandail sur le dos et on l'a fait se pousser sur la glace. C'était de toute beauté. Le jeune homme très sympathique, très souriant à son arrivée au Saint-Georges et accueilli de très, très belle façon par les partisans des Sags, qui étaient plus de 3000 vendredi soir pour venir voir, j'imagine, l'arrivée de Rupsoff, mais aussi le retour du capitaine Nicolas Roy dans le match de vendredi. Malheureusement, ça s'est soldé par une défaite de 3-1. L'Armada a pris les vents 2-0, ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il arrive. L'Armada, s'il lui donne les vents 1-0, c'est amplement pour gagner des matchs avec le système de jeu de Joël Bouchard, qui est très, très, très hermétique. On travaille très, très en périphérie dans le cas de l'Armada. En troisième période, on s'est presque pas approché du but de Julio Villa, qui a été très bon, là, mis à part peut-être le deuxième où il aurait aimé voir le lancer qui venait de loin, des temps de placement, puis il a prêté du train à contre-pied quand on filet. Mais à part de ça, il était très, très bon. Les Sags ont marqué un but en troisième période, par la suite ont pris une pénalité alors qu'il restait 2 minutes et demie, 3 minutes au match. Ça a pas aidé à essayer de revenir alors que l'Armada menait 2-1 à ce moment-là. Ont marqué malheureusement dans le filet désert en fin de rencontre. Donc ça s'est terminé par une défaite de 3-1 dans un bon match des Sags, je dirais, contre une des puissances de la LHGMQ, malheureusement. Contrairement à ce qu'ils avaient fait le match précédent face aux Cataractes de Shawinigan, n'ont pas été capables de marquer des gros buts contre l'Armada. Heureusement, samedi, ça a été une toute autre histoire. On perdait 2-0 après 40 minutes de jeu. Il y avait seulement 20 lancés. C'était 12-8, le Drakkar, je ne sais pas qui est lancé. Après 40 minutes de jeu, samedi, à Bécomo, on bloquait beaucoup de lancers devant le filet. C'était un match, c'était très soporifique, je dirais, pour les deux premières périodes. L'ambiance était très, très, très relaxe au centre de l'Éneuve de Bécomo. Il y avait peu de personnes pour un samedi après-midi. Je me suis attendu à une meilleure foule. C'était très tranquille, la musique était pas forte. Puis je te jure, là, ça donnait un spectacle très, très, très presque endormant, je dirais, dans les 40 premières minutes de jeu. J'ai dit peut-être être le plus plate que j'ai jamais été dans ma description de match. En plus, un peu coupé. Je m'en excuse aux auditeurs qui m'ont supporté pendant les 40 premières minutes de jeu, mais heureusement, le spectacle s'est animé un peu au début de la troisième période. Dans les deux premières minutes de la troisième, je dirais que les Sags ont plus de chances de marquer que dans les 40 premières minutes du match. Ça a été bien remonté, bien repris, et on a bien travaillé pendant les 20 dernières minutes, les Sags, pour amener ça en prolongation. Et par la suite, une belle pièce de jeu de Zukanov, Kevin Klima et Olivier Galipo qui a marqué son premier but dans l'uniforme des Sags, gagnant à part de ça en prolongation. Okay. Bon, les Sags ont trouvé un moyen de gagner, devront trouver des moyens de gagner d'ici la fin de la saison, ces matchs-là, ces matchs où ça va moins bien. Va falloir trouver des solutions parce que le classement est encore très serré. Si les Sags veulent espérer s'approcher du premier rang de la division F, qui est détenue par les Cataractes de Shawinigan, il ne faudra pas perdre beaucoup de matchs qu'on doit gagner d'ici la fin de la saison pour espérer terminer premier ou peut-être deuxième de la division S de la LHGMQ. Serge Cloutier disait cette semaine sur les médias sociaux, il disait, lui, il a prédit, il a regardé seulement le classement, ça vaut ce que ça vaut, là, mais il a 16 victoires, 9 défaites à peu près. Ça ressemblerait pas mal à ça. Ça les mettrait au sixième rang. Si on y va de même. J'ai plus savoir que moi dans sa prédiction. Ouais. Comment tu le donnes, toi? On se rend à 9 défaites. Moi, je pense pas que ça va être 9 défaites. Ça va plus être dans le 5-6 défaites. Les Sags ont une très, très grosse machine de hockey présentement. Auront l'alignement complet pour la première fois dans les Maritimes. Les ajustements, tu sais, Yannick est conservateur, Yannick Jean dans ses propos en disant, ça va prendre quelques semaines à s'ajuster, mais il a tellement de talent sur la patinoire qu'il a des armes, et des solutions à peu près à tous les problèmes qui vont se présenter à lui depuis la fin de la saison. Je pense que le match de vendredi prochain à Saint-John, au Nouveau-Brunswick, ça va être le deuxième potentiellement de Rupsoff dans l'alignement des Sags. Nicolas Roy, ça va faire une semaine qu'il est de retour au jeu avec les Saguenayens. Les Fast Climat, ça va faire un mois maintenant qu'ils sont avec les Sags. Tu sais, ça va finir par se passer, je dirais, tout ça. Je pense que les Sags ont encore une mince chance de terminer premier de la section F. Premier au classement général, ça, on va presque oublier ça, avec Rouen, avec Blainville-Boisbriand dans l'Ouest et Saint-Jean dans les Maritimes. Même peut-être PIA et aussi Charlottetown qui pourraient le chauffer le derrière avec tous les ajouts qu'ils ont fait dans la dernière période des transactions. Puis Strong qui a l'air de marquer des buts là, présentement dans les Maritimes. Heureusement, on les a déjà passés à notre premier voyage dans les Maritimes à l'automne, donc on n'aura pas à subir Daniel Strong pour les prochains matchs, mais dans les Maritimes, ça se révèle quand même un gros défi. Là. Rimouski, c'est jamais facile de les gagner là. Les Sags ont toujours eu de la difficulté avec les matchs de Rimouski. La dernière fois, ça s'est terminé 7-0. Mais les Sags avaient quand même emporté en raison d'une erreur administrative de Saint-Beau-Soleil. Mais quand même, on a un peu de la foule du côté des Sags là, dans ce match-là. Il faudra rendre la monnaie de la pièce. Il faudra rendre le change aux hommes de Saint-Beau-Soleil mardi. Puis ça, c'est une bonne façon d'amorcer le voyage, je dirais, qui sera un grintant. Mercredi, direction Halifax, match jeudi contre les Mooseheads, vendredi contre les Sea Dogs à Saint-Jean, et samedi contre le Titan avec les Batters. Eux, on les oublie, on n'en parle pas, mais je veux pas les rencontrer en première ronde des séries. Ça va être une équipe qui va être difficile à jouer contre. On a du coup de talent à peu près à toutes les positions. Peut-être une équipe qui pourrait causer des surprises en séries éliminatoires, le Titan avec les Batters. Donc, trois gros matchs en trois soirs pour terminer le voyage dans les Maritimes, là, qui s'amorce mardi. Je parle assez souvent à Gilles Bouchard, là, parce qu'il vient de Normandie. Gilles Bouchard des Huskies de Rouyn-Noranda. Puis, la semaine passée, j'ai lu une entrevue pour parler un peu de ses acquisitions durant la période des fêtes. Puis, Gilles me disait, c'est tellement serré dans la Ligue Journal du Québec. Il dit, cette année, c'était. L'année passée, c'était facile, c'était nous autres, puis Shawinigan. Mais cette année, il y a 5-6 équipes qui peuvent aspirer là, à la Coupe du Président. Il y a une parité cette année incroyable. Là. Exactement. Puis, convaincu qu'il va y avoir des mauvaises surprises pour toutes les équipes. Tu sais, ça peut arriver au SAG, je ne le souhaite pas. Ça peut arriver au SAG, une bad luck en première ronde, que tu fais sortir en 6 ou 7 matchs contre une équipe un peu moins. Peut-être surprise comme le Titan ou encore même les types de Victoriaville, puis ils vont vendre leur peau chèrement soir après soir. Mais tu sais, ça peut arriver aux Sea Dogs, ça peut arriver même aux Huskies qui ont une grosse saison l'année passée, plus de hockey dans les jambes, plusieurs joueurs avec Hockey Canada à la période des fêtes. Tu sais, ça peut rentrer dans le système, dans le mental, puis la fin de la saison, c'est pas. Ça peut arriver en première ronde des séries, je le souhaite à personne, mais ça se pourrait que cette année, il y ait des mauvaises surprises pour des clubs qui ont acheté à la période des transactions. Ouais. On va juste souhaiter que ça soit pas les Saguenay qui soient victimes de cette mauvaise chance-là, puis que ça se termine bien pour les Bleus. Les partisans le méritent. L'organisation le mérite, puis Yannick Jean a très bien travaillé à propos des bonnes acquisitions, puis Nicolas Roy est en grande santé, là, je pense que quand ça va se mettre à rentrer les buts, ça va rentrer pas mal pour les gens. Il y a un gars que tu as connu, parce qu'il a porté couleur des Saguenayens, qui a été libéré au camp d'entraînement, puis que Yannick Jean l'a échangé sur la période des fêtes au Dracard de Bécomo, qui a joué en fin de semaine, qui vient d'ici, là. Je parle de Jean-Simon Bélanger, qui a compté un but contre l'Armada en fin de semaine. Comment il s'est débrouillé samedi? A pas joué beaucoup. Okay. Ce que j'ai vu, par contre, Jean-Simon, tout ce qu'il faut pour devenir un marqueur de peut-être, je sais, 15 buts dans la Ligue. Dans ce bout-là, là, tu peux s'approcher à 20 si le Drakkar lui donne beaucoup de temps de jeu à l'attaque. Le problème, c'est que la mission, peut-être, qu'il aurait dû faire avec les Saguenayens, qui aurait été plus défensif, ça aurait été plus difficile dans le cas de Jean-Simon Bélanger. Du côté du Drakkar, on avait besoin de joueurs. Il y a des Antoine Forplante, entre autres, qui n'a pas voulu se présenter alors qu'il a été échangé de l'Océanique de Rimouski au Drakkar de Bécomo à la dernière période de transaction. Il préférait se joindre à un club junior 3A avec une chance de gagner le championnat. Tu sais, Jean-Simon a une belle chance de se prouver dans la LHMQ, d'avoir des bonnes minutes d'ici la fin de la saison. Samedi, ça peut être un peu plus difficile. Il devait être excessivement nerveux contre les Saguenayens qui ne lui ont pas donné sa chance. Il voulait sûrement faire beaucoup sur la glace samedi. Très content pour lui, d'ailleurs, qu'il ait marqué un but dimanche contre l'Armada, qui n'est pas un club facile à marquer des buts contre. Jean-Simon, je pense qu'il va réussir à avoir quelques bons buts d'ici la fin de la saison et sa chance d'avoir un poste là, régulier l'année prochaine dans la LHMK. OK. En terminant, donc, on s'en va dans les Maritimes. Demain, c'est Rimouski. On s'en va dans les Maritimes. Lorsqu'on fait un voyage dans les Maritimes, c'est quoi? Là, il y a trois matchs. C'est quoi? C'est une victoire, deux défaites? C'est l'objectif? C'est quoi? L'objectif, ça va être de remporter les quatre matchs, mais très honnêtement, trois des quatre, tu sais, ça va être En fait, là, les conservateurs, les puristes du hockey, les analystes, ils ont remporté la moitié des matchs, la moitié des points qui étaient sur la table, sur la route. T'es en voiture. Sauf que là, les Sags, je pense qu'ils doivent remporter au moins 3 des 4 matchs sur la route en fin de semaine. Pour rassurer tout le monde là, avec toutes les transactions qui ont été faites. Dire à toute la Ligue de hockey junior majeur que les Sags vont être difficiles à jouer d'ici la fin de la saison. C'est important de psychologiquement que les autres équipes voient ça, d'aller gagner des gros matchs dans les maritimes. C'est pas toujours facile. T'sais, la dernière fois, on est allé, les Sags ont remporté leurs 3 matchs en trois dans les maritimes la dernière fois. C'était pas arrivé souvent dans l'histoire des 5 9. Si on continue de cette façon-là, ben tu dis aux autres équipes, bon ben sur la route, les Sags, pardon, malgré les contre-performances de décembre, sont encore capables de gagner des matchs. Et bon, si on pogne un club des maritimes en séries éliminatoires, ce sera peut-être déjà une petite victoire morale là, contre eux toute la fin de la saison, en séries éliminatoires. Mais je pense que les Sags se doivent là, d'avoir au moins 3 bonnes performances là, sur les 4 matchs qui vont être disputés la semaine prochaine, en fait, à partir de demain, dans l'Est et du Québec et dans les maritimes. OK. Donc, on écoute cette semaine tous les matchs présentés au 94,5 et Énergie. Exactement. 19h30 mardi. 18h les 3 autres, là, jeudi, vendredi et samedi. Halifax, Saint-Jean et Bathurst respectivement. Donc on se reparle lundi prochain. Ou mardi. Donc le descripteur des matchs des Saguenay, Sébastien.